Chapitre 9e. Mon cher ami, je t'attends demain à 5 heures pour une communication grave et urgente, bien sans faute, ton vieux camarade Pépin. L'empereur dut relire plusieurs fois cette lettre laconique que venait de lui remettre la vieille Flora. Il réfléchissait, se demandant s'il devait aviser Milvaud d'une convocation aussi imprévue. Peut-être était-ce un secret qu'on allait confier à son honneur. Mais comme il n'avait jamais rien pu cacher à son fidèle ami, il jugea qu'il lui révélerait fatalement son secret tôt ou tard et qu'il était préférable de le mettre au courant tout de suite. Il se rendit chez lui un peu avant l'heure du rendez-vous. Il vit Milvaud prêt à sortir, un peu fébrile, les yeux écarquillés sur un bleu qui paraissait l'intriguer fortement. Milvaud le lui montra silencieusement avant de lui serrer la main. Le texte était identique à celui qu'il avait reçu. « J'allais chez toi pour te porter ça. » dit enfin le docteur. « Que peut-il nous vouloir ? Ça m'embête un peu, cette histoire-là. Est-ce qu'il se douterait ? Aurait-il trouvé quelques traces de nos relations avec... Tu écrivais donc à Elisabeth, sous aucun prétexte ? Ça m'aurait étonné, car elle ne me l'a jamais demandé à moi. Alors, rien à craindre de ce côté. Dis donc, si... Oh, ce serait affreux. Affreux, quoi ? Si, ce pauvre Pépin avait le projet de... Et le docteur fit le geste d'un homme qui dirige le canon d'un revolver sur sa tempe droite. « Diable, c'est possible, le chagrin. Il y a des exemples. »« Il faut l'empêcher, à tout prix. Mais pourquoi nous prévenir ? Il a peut-être des dispositions à prendre pour sa fortune, qui sait ? S'il nous laissait, à nous deux. Dame, nous sommes ses meilleurs, presque ses seuls amis. »« C'est vrai, pauvre Pépin. Ce n'est peut-être pas bien, après tout, de le forcer à vivre. C'est terrible !» Une existence sans but, car il est sincère. Au fond, c'est une âme tendre. Et s'il est vraiment inconsolable, moi, je crois qu'il l'est. Moi aussi. Alors, non, nous devons tenter de le sauver, car nous sommes d'honnêtes gens. Mais il faut que cela tourne à notre profit. C'est le moment de reprendre notre idée. Engageons-nous froidement à se remarier. De deux choses l'une, ou il entrera dans cette voie, et nous lui imposerons une compagne selon nos goûts, où ce conseil lui sera antipathique dans ses dispositions actuelles et il ne pourra que précipiter les événements. Notre conscience, en ce cas, est dégagée de toute responsabilité. Tu penses bien que s'il s'est décidé à mourir, ce n'est pas nous qui le retiendrons et il vaut mieux qu'il cesse de souffrir tout de suite. Je parle comme pour moi et je sais qu'en pareille circonstance, je serais plutôt content que des amis dévoués, n'est-ce pas ? Oui, oui, moi aussi. Alors partons. À 5 heures précises, ils entraient dans le cabinet de travail où les attendait Pépin. Pépin, comme tous les gens riches et sérieux, avait un cabinet de travail pour y lire les journaux et y faire la sieste. Il leur serra affectueusement la main et les invita à s'asseoir. « Mes bons amis, la vie que je mène me pèse, et j'ai pris une résolution. » Le docteur l'interrompit. « Arrête-toi là. Nous avions deviné, l'empereur et moi, que tu nous appelais pour nous faire une confidence grave, dramatique même. Tu es miné par un chagrin qui n'est pas de ce monde. » Et tu as pensé à une solution qui efface toutes les misères humaines. C'est vrai, j'y ai pensé, mais c'est mal. Il faut vivre pour tes amis, que tu as un peu négligés. Et d'ailleurs, le suicide n'est pas un remède. Un tas d'imbéciles plus ou moins célèbres en ont essayé, et nous ignorons toujours s'ils ont été satisfaits de leurs gestes. Or, dans le doute, abstiens-toi, dit la sagesse des nations. Nous, nous voyons à tes peines que nous partageons plus que tu ne peux le croire, une autre consolation que le néant, et tu nous permettras, au tableau que représente un suicidé, la tête fracassée par une balle ou le visage verdi par le poison, toute chose disgracieuse et indigeste, d'en opposer un autre plus riant, plus efficacement consolateur. Dans cette maison où régnait une femme incomparable, nous en voudrions voir une autre, que nous te choisirions avec amour comme pour nous-mêmes. Ce silence austère ferait place aux éclats d'une voix jeune et joyeuse. Il nous semblerait alors à tous trois que notre ami est revenu, de très loin, pour nous rendre les bonheurs passés, les espérances anéanties. Et qui sait si la nature ne te donnerait pas cette fois ce dont nous avons été privés par les circonstances. Un de ces charmants petits êtres, exquisement turbulents, poétiquement morveux, qui dérange et casse tout sous les yeux attendris du père et de la mère. Voilà qui nous rattache à la vie. « Mon cher Milvaud, répondit Pépin, et toi, mon vieux l'empereur, vous êtes de vrais amis, clairvoyant et désintéressé. Il s'en est fallu de peu que je prisse, comme vous le dites, une résolution désespérée, et vous héritiez de moi, ce à quoi vous ne tenez guère, j'en suis sûr, car vous êtes philosophe. Alors, vous croyez qu'un second mariage, mon Dieu, quand je dis que nous croyons, il ne faudrait pas exagérer. Je suis heureux que mon opinion s'accorde avec la vôtre. J'ai en effet décidé de me remarier. Ah, parfait, parfait. Alors tu nous autorises à te chercher. Inutile. Mon choix est fait et le jour fixé. Vous serez mes témoins. Comme nous sommes de vieux camarades, je vous dispense des cadeaux. Si tu l'exiges, je vous en dispense pour moi. Mais je ne vous empêche pas de les reporter sur Madame Pomme. Madame Pomme, c'est son nom. Maintenant, nous différons d'avis dans l'appréciation de mon bonheur futur. Apprenez que ce n'est pas en vue d'une postérité aléatoire, ni pour notre agrément personnel que nous nous épousons, Madame Pomme et moi. C'est pour Élisabeth et pour Achille. C'est entendu entre nous deux. Que dis-je, entre nous quatre. Achille, son mari. Il est mort l'année dernière. Elle aime Achille comme j'aime Élisabeth. Nous nous unissons pour rester éternellement fidèles à leur mémoire. Madame Pomme sera ma sœur, ou mieux, ma fille, car elle n'a pas atteint ses 30 ans. Nous pleurons ensemble ce que nous avons perdu, et là se précise et se borne le lien qui va nous attacher l'un à l'autre. Le lendemain de notre mariage, je rouvrirai pour vous ma maison, car notre alliance idéale ne comporte pas les pudeurs ordinaires. Et si je tiens à garder ma douleur dans toute son intensité, je veux tenter d'adoucir la mienne. Vous m'aiderez, par votre compagnie aimable et votre affection dévouée, à rendre heureuse une pauvre créature si éprouvée déjà par l'existence. Ceci dit, je vous laisse retourner à vos occupations. Je vais chez elle. Je vous présenterai un de ces jours. » Les deux amis le quittèrent, un peu ahuris. « Quel daim ! » dit l'empereur. « Le voilà qui se marie. » Dans son galimatia, j'ai cru comprendre que la donzelle est veuve. C'est assez infect de reconvoler si vite. « Assurément. Mais tu n'es jamais content. » C'est ce que nous désirions, en somme. Dame, oui, puisqu'il n'a pas le courage de se... Tu vois, il nous laissait tout. Rien de perdu. Il n'aura pas d'enfant, puisqu'il ne veut pas faire dodo avec sa Pomme. Un drôle de nom et une drôle d'idée. Tu as raison. Il y aura peut-être du bon. Et il me semble maintenant que ça ne tourne pas si mal. Il n'est pas absolument nécessaire qu'il soit le mari de sa femme, pourvu que nous soyons, nous, son amant. Mon Dieu, oui, après tout, c'est un autre point de vue. C'est nous que nous tromperons. Ce sera moins agréable, mais on ne peut pas tout avoir.